quand j'éteins le baffle là qu'on utilise pour chanter avant satsang, eh bien ça fait tout de suite beaucoup plus calme quoi. C'est il y a cette espèce de bruit de fond là qui ne gêne pas quand on chante, mais quand on veut méditer un peu là ou qu'on ne fait rien quoi, c'est on n'entend que ça quoi, on n'entend plus que ça. Et l'éteindre, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, évidemment, hein, c'est un peu pareil à l'intérieur de nous, quand on peut tourner le dos à tout ce brouhaha qu'il y a dans nos têtes, ça fait du bien, quoi, ça fait du bien. Et je remarque en ce moment que la différence entre le bruit qu'il y a et le silence qu'il y a, les deux qu'il y a en moi, est de plus en plus importante, que le bruit peut parfois être très prenant, et que dès que je me tourne du côté du silence, du vide, eh bien c'est impressionnant de perfection, c'est impressionnant de je vais dire de rien, mais c'est pas juste, c'est impressionnant qu'il n'y ait plus tout ce brouhaha. Et là je découvre et je m'étonne à chaque fois de ce que j'y trouve. Par exemple la musique intérieure, ces sons harmonieux d'une douceur extrême. J'aime les écouter, j'aime les prêter attention, et plus j'y suis attentive, plus ces sons prennent de la place et me donnent tellement de douceur, tellement de bonheur, tellement de paix, tellement de joie, et surtout beaucoup de douceur. J'aime être là à écouter. Je préfère être là à écouter ces sons plutôt que d'écouter le brouhaha de mes pensées. Ça va un moment, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Je me souviens quand j'étais petite, le soir dans mon lit, souvent je me disais, mais bon sang, on devrait avoir un bouton sur lequel appuyer pour arrêter de penser, quoi. C'est fatigant, c'est trop, quoi, c'est trop. Bien, bon, il n'y a pas forcément un bouton pour arrêter de penser. De toute manière, on n'arrête pas de penser, mais il y a effectivement un moyen de ne plus y être attentif, d'être attentif à cette paix intérieure, d'être attentif à ce... là où ces pensées ne peuvent pas être, tout simplement, à être attentif au Saint-Nom, quoi, tout simplement, et qu'il soit sous la forme de son harmonieux, qu'il soit sous la forme de ce feeling, de ce sourire intérieur ou de lumière. Il n'y a plus de pensée, mais il y a moins de pensée. Tout dépend de notre quantité d'attention que l'on porte à ce qu'on est en train de contempler, c'est la musique ou la lumière. La musique ou la lumière. Si on n'y est pas attentif, ben on va pas l'avoir. Si on y est beaucoup attentif, ben on va l'avoir beaucoup, tout simplement, quoi, tout simplement. Après, comment y être plus attentif, etc., c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que il suffit de le faire. Il suffit d'être attentif, de prendre conscience que tout l'espace est rempli de cette musique, est rempli de cette lumière, et que on n'a pas besoin d'aller la chercher, on n'a pas besoin d'aller de faire 50 000 trucs pour essayer de la voir ou d'entendre la musique. C'est là, c'est déjà là à 100%, et pouvoir l'entendre, l'écouter, c'est aussi une question de posture intérieure. Cette posture intérieure, pleine de mystères au début de la pratique, pleine de paradoxes au fur et à mesure de la pratique, puis finalement, on la découvre aussi pas à pas, petit à petit, à force de pratiquer et à force de s'apercevoir que, ah bah oui, c'est comme ça, c'est, on se simplifie, on devient plus humble. Et là, on s'aperçoit que dans cette posture intérieure, eh bien, c'est beaucoup plus facile de quitter ses pensées, ses émotions, ses croyances, enfin, tout ça, quoi. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile. Et cette posture intérieure, elle vient d'elle-même à force de pratique. Ce qui nous incombe, c'est de pratiquer, c'est d'observer les trois piliers et aussi, surtout, en tout cas ce qui me concerne, ça a été un élément absolument primordial et essentiel, c'est d'écouter les conseils de notre maître. Pour moi, ça a été quelque chose d'absolument fondamental pour pouvoir avancer, pour pouvoir approfondir ma conscience sur ce chemin. Car c'est lui qui peut, en étant à l'extérieur, c'est lui qui peut mettre le doigt sur ce qui me gêne, sur ce qui ne va pas, sur les erreurs, pour que je puisse aller plus profondément, pour que je puisse marcher un peu mieux au milieu de cette voie, sans trop faire de méandres, sans trop faire d'allées et venues qui au final sont épuisantes, fatigantes, désagréables. Je préfère beaucoup marcher tranquillement là au milieu, mais pour ça il a fallu pratiquer, accepter, écouter, accepter, mettre en pratique les conseils, mettre de côté ma vanité et marcher. Marcher encore et toujours, pratiquer. Et aujourd'hui, encore, quand je suis perdue, ou eh bien, il est là, toujours encore, pour me donner une petite tape sur l'épaule et me dire, attends, tu te trompes là, tu n'es pas au bon endroit. C'est important pour moi, c'est important et je suis reconnaissante d'avoir un maître vivant qui peut justement me guider. Il est là pour ça. Et c'est l'avantage qu'on a sur cette voie. Jesus, tu t'en as.